Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM pour cette nouvelle édition de la quotidienne de 18h à 19h sur votre radio vosgienne Romaric Montaigne favorite. Et oui, c'est vrai qu'on s'est un petit peu laissé désirer, désolé pour le retard, mais après tout les aléas du direct font que parfois les choses sont ce qu'elles sont, hein, des invités qui ne viennent pas, c'est des choses qui arrivent, ou des invités qui arrivent en retard. Mais je suis très contente vu que mon invité de ce soir est là en face de moi. Il s'agit de Dominique Imbert pour parler de votre association Stop Linky 88. Alors avant toute chose, bonsoir et bienvenue Dominique. Bonsoir. Alors, on va peut-être remettre les choses dans leur contexte, hein. Si vous êtes là, c'est bien pour parler de votre association, de votre action et bien entendu aussi des compteurs Linky, parce que c'est quelque chose qui est diffusé dans la France entière et qui pose problème, qui fait même polémique. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, même si j'ai bien compris que c'est pas une première à Radio Gemozo, mais c'est une première dans l'heure des loups. Écoutez, oui, vous voulez que je me présente moi-même personnellement, oui. Je m'appelle Dominique Imbert. Je suis un des membres fondateurs de l'association Stop Linky 88, qui a été créée donc il y a un an et demi maintenant, en janvier 2017. J'ai d'autres activités, bien entendu, d'autres activités dans d'autres associations, mais c'est pas l'objet de ce soir. Je pense que pas mal de gens me connaissent à Gemozo, puisque j'ai eu l'occasion de venir assez régulièrement ici pour présenter mes activités militantes et les combats que nous menons, notamment dans le domaine de l'environnement. Voilà, et vous êtes, comme vous l'avez dit, un des membres fondateurs de l'association Stop Linky 88, qui est, d'après l'article de journal sur lequel j'ai entendu parler de vous, fondée depuis début 2017. D'après ce que j'ai compris, les compteurs Linky sont diffusés depuis un petit peu plus tôt 2015, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, absolument. L'installation des compteurs Linky, enfin le remplacement des compteurs actuels par les compteurs Linky a démarré effectivement autour des années 2015. Elle a démarré assez lentement et puis a connu une forte accélération en fin 2016, début 2017. Et on peut dire que la contestation contre les compteurs est née en 2015, assez rapidement. Tout simplement, pourquoi elle n'est pas née? Pourquoi on peut s'interroger d'ailleurs pourquoi elle n'est pas née plus tôt? Parce que le projet d'installation de ces compteurs remonte à 2009-2010, même si il n'y a eu aucune mise en œuvre pratique à l'époque. Il y a eu simplement des tests qui ont été effectués sur des zones qui étaient prédéfinies. Et une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de d'avis contraire, c'est que il n'y a eu aucune information. Enedis, qui est donc la société qui a pris la suite d'EDF pour la distribution de l'électricité, donc de RDF puis de EDF puis de RDF, s'est bien gardé de faire la moindre communication et de communiquer et d'expliquer ce qu'était ce compteur. Bon, et on verra par la suite d'ailleurs, quand ils ont été dans l'obligation de s'expliquer, qu'ils ont pratiqué et qu'ils continuent d'ailleurs à pratiquer le mensonge systématique. D'ailleurs, tant que j'y pense, hein, c'est une question qui me vient, et je pense qu'après on sera un petit peu plus tranquille, mais tous ces EDF, ERDF, Enedis, c'est la différence, c'est juste le nom ou ce sont vraiment des instances différentes? Non, alors en fait ce sont des déclinaisons, c'est le résultat du passage à la concurrence, hein, c'est-à-dire qu'avant en France il n'y avait qu'EDF. EDF était à la fois producteur, distributeur et fournisseur d'électricité. Hein. Aujourd'hui, ces activités ont été séparées, notamment pour permettre la mise en concurrence de la production électrique, de la fourniture d'électricité. Donc, aujourd'hui, voilà, essentiellement la fourniture. On ne va pas rentrer dans plus de détails. Ce qui s'est passé, c'est que EDF a été scindé en trois entités. EDF, qui est restée la société qui est chargée de la production, hein, c'est-à-dire les centrales nucléaires, les centrales thermiques, les barrages, l'éolien, etc., qui conservent donc la production, mais qui, ce faisant, puisque la concurrence a été imposée par l'Europe, peut rentrer en concurrence avec d'autres entreprises qui aujourd'hui peuvent aussi produire de l'énergie et la mettre sur le marché. Ensuite, il y a eu ERDF qui a été créé, et ERDF était chargé de la distribution, c'est-à-dire de la gestion du réseau basse et moyenne tension, et RTE, c'est réseau de transport d'électricité qui est chargé, qui est une division d'EDF, hein, et qui est maintenant une société à part entière, qui est chargée de la gestion de la haute tension, du réseau haute tension. Et ERDF s'est ensuite transformé, a changé de nom, est devenu Enedis. Mais ERDF et Enedis, c'est la même chose. Voilà. Voilà, et on en vient maintenant au compteur Linky. En fait, qu'est-ce que c'est en vrai? Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est juste juste entre guillemets, c'est vrai que les auditeurs ne me voient pas les faire avec les mains. Ce sont des nouveaux compteurs électriques, mais en quoi ces nouveaux compteurs électriques font tellement polémique? Alors, ils font polémique parce que d'abord, c'est pas des compteurs. Si ce ne sont pas des compteurs. Ah bon? Évidemment, oui. Évidemment, c'est un compteur électrique. Ça continue à compter le courant que vous consommez. Mais c'est devenu anecdotique dans ce que représente et de ce qu'est aujourd'hui Linky. Linky, c'est un appareil bien plus sophistiqué que ça, qui est en réalité une sorte de capteur d'information. Hein, la véritable utilité, le véritable objectif du remplacement des 35 millions de compteurs électriques actuels qui existent en France et qui, entre parenthèses, sont tous en excellent état de fonctionnement, enfin tous ou la plupart, bien sûr qu'il faut en remplacer chaque année un certain nombre parce que l'obsolescence, la vieillesse, etc. font leurs œuvres, mais les 35 millions de compteurs fonctionnent globalement, hein, très bien, et l'objectif c'est de les remplacer tous, de les mettre tous à la casse et de les remplacer tous par ce fameux compteur Linky. Alors déjà, ça pose tout de suite un problème. Hein, quand n'importe quel esprit normalement constitué se dit, mais oula, on veut remplacer... Parce qu'Enedis nous dit, grosso modo, on remplace des compteurs par un compteur. Hein? Bon, à quoi ça sert? Nous faites pas croire qu'on va remplacer 35 millions de compteurs par un appareil identique. En réalité, cet appareil, il est bien plus qu'un compteur, c'est essentiellement un capteur. Et qu'est-ce qu'il va capter? Il va capter toutes les informations de consommation des usagers. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces informations? Eh bien, ces informations vont être récupérées par Enedis, vont être traitées dans des systèmes informatiques qu'on appelle les big data, hein, qui sont des très très grosses machines. Enfin, ce sont des dispositifs très très très importants et très puissants informatiques. Et grâce à des algorithmes très sophistiqués, on va pouvoir retraiter toutes ces informations, puis les commercialiser. Et les vendre. Et derrière tout cela se trouve un marché qui peut aujourd'hui s'évaluer en milliards d'euros. On ne joue plus dans la cour des petits. C'est véritablement un énorme business qui est en train de se mettre en place sur le dos des consommateurs, parce qu'on va leur capturer, on va leur capter toute une série d'informations sans leur accord, sans leur demander quoi que ce soit, et ensuite on va et en plus on va leur faire payer l'installation du dispositif permettant de capter ces informations, parce que bien entendu, comme le compteur Linky reste un compteur malgré tout, on va le faire payer par l'usager, évidemment, hein. Donc, parce qu'il sera intégré comme tous les compteurs jusqu'à présent a été payé par l'usager, il n'y a aucune raison que celui-là ne le soit pas. Et ça, c'est un des premiers aspects du problème, sans doute le plus important, hein. C'est-à-dire que c'est en réalité, derrière cela se cache un business énorme qui est en train de se monter sur le dos des consommateurs. Alors, plein de gens se posent la question, mais comment peut-on, à partir d'informations de consommation électrique, faire le profil d'une famille, etc. etc. Mais aujourd'hui, avec les systèmes de big data et les algorithmes, c'est extrêmement facile. Hein. Aujourd'hui, on dispose de toute une série de moyens qui permettent, à partir d'informations qui peuvent paraître au départ extrêmement bénignes, on peut en tirer toute une série de conclusions. On peut effectivement profiler, imaginer ce que ça représente de faire le profil des 35 millions de foyers français. Hein. Imaginez au plan commercial ce que ça peut représenter. C'est énorme. Quasi infini. Oui, parce que ça, je pense qu'on va en reparler, ou même limite, on peut déjà en parler un petit peu. Comme vous l'avez dit, ce ne sont pas que des compteurs, ça permettra de capter des informations sur nous, sur nos habitudes, hein, sur nos consommations. J'imagine les moments de la journée où on est là, où on consomme du courant, voire même peut-être plus. Vous avez aussi parlé de big data, et je sais que ce qui fait beaucoup débat, même si ce n'est pas la seule chose, c'est le fait que ça risque même d'être, des moyens de rentrer dans nos vies privées, de nous espionner littéralement. Ah ben complètement, parce que la première étape du Linky, celle qui est en cours de réalisation actuellement, et le niveau de fonctionnement et le niveau de fonctionnement de cet appareil aujourd'hui, sachant qu'il va être évolutif, il est prévu pour évoluer, hein, permet déjà de prendre le contrôle de votre paramétrique, déjà de prendre le contrôle de l'ensemble de vos appareils. Il permet non seulement de connaître votre consommation, votre niveau de consommation, mais il permet de déterminer quel appareil fonctionne. Il permet de déterminer, on sait aujourd'hui par exemple, nous avons dans les conférences que j'organise, je publie un extrait d'un film d'un chercheur allemand très pointu en matière informatique qui explique qu'avec les compteurs communicants, dont le Linky fait partie, on peut savoir, en analysant très précisément les courbes de charge, quel film vous regardez à la télévision. Hein, c'est très simple. Quel programme vous regardez à la télévision ? Ça, on peut aller jusque-là. Ça va très très très loin. Hein. Et je ne vous parle pas, bien entendu, de ce qu'on peut faire avec vos ordinateurs, qui eux seront aussi reliés avec ce système. Mais ça, ce n'est que le début même du dispositif qui se met en place. Savoir que demain, déjà aujourd'hui d'ailleurs, c'est en train de se préparer, des sociétés se montent là-dessus. Il existe de nouveaux créneaux pour permettre de récupérer des informations encore plus précises, hein, et cela avec l'accord des usagers d'ailleurs, à qui on va essayer de convaincre que c'est dans leur intérêt. Linky va pouvoir être un des appareils qui rassemble notamment toutes les informations qui sont collectées dans la journée par les objets connectés. Hein, vous avez une montre connectée, elle connaît votre montre connectée, combien de pas vous avez fait dans la journée, si vous avez couru, quel est votre niveau de santé, votre rythme cardiaque, plein de choses. Et grâce à Linky, on va pouvoir le soir, par exemple, récupérer toutes ces informations et les envoyer sur des centrales avec des big data qui vont, elles, analyser précisément et commercialiser toutes ces informations sur vous. Et on va vous expliquer que c'est dans votre intérêt, parce que vous comprenez, on voit aussi ces informations, vous les retournez à vous, on va vous dire, vous ne vous connaissez pas, grâce à Linky et aux objets connectés, vous allez mieux vous connaître. Hein. Et des gens, on est aujourd'hui certain qu'il y a des gens qui vont accepter de payer même, de payer un abonnement pour pouvoir bénéficier entre guillemets, bien entendu, de ce type d'informations, sachant qu'en réalité, elles vont être utilisées à toutes sortes d'autres fins commerciales, mais elles pourraient être utilisées à n'importe quelle fin politique, n'importe quoi, tout dépend de la personne ou du groupe ou des intérêts qui sont au bout de la ligne et qui récupèrent ces informations. Et oui, comme d'après ce que je comprends, parce que d'après quand même ce que j'ai lu et je me suis documentée, l'idée de base, ou du moins sur le papier, ça semble beau, ça semble bien, et peut-être que l'idée de base n'était pas forcément mauvaise. Mais d'après ce que je comprends, d'après ce que vous dites, c'est qu'on en vient vraiment dans l'intrusion de la vie privée et on pousse encore la vente de données personnelles, comme c'est déjà le cas avec le démarchage téléphonique. Mm-hmm. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Et d'ailleurs, si vous voulez quelques tactiques pour désarçonner les démarcheurs, hein, n'hésitez pas à m'appeler. J'en ai quelques-unes sous le coude. Mais voilà, quoi. C'est vrai qu'on se croirait dans le monde de Big Brother. Et j'ai envie de proposer un premier morceau. Alors, vous m'avez proposé un morceau de Bernard Lavillée que j'ai pas trouvé, mais par contre j'ai trouvé un autre morceau qui s'appelle Big Brother par Winston McAnuff et Fixie. Est-ce que ça vous tente qu'on se l'écoute? Bah parfait. Alors on s'écoute Big Brother de Winston McAnuff et Fixie et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. De retour sur Radio Gamozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous pouvez réagir sans aucun problème en nous écrivant sur notre page Facebook Radio Gamozo ou en nous écrivant, ou en nous appelant Je vais y arriver. Au 03 29 62 40 40. Et vous pouvez sans problème poser vos questions à Dominique Imbert pour l'association Stop Linky 88. Mais cette association, ne combat pas, on va dire, un fléau qui n'est que départemental, mais c'est au moins national, si ce n'est plus. Il s'agit bien entendu des compteurs Linky, compteurs communicants qui nous permettront d'en savoir plus sur nous, sur notre vie privée, d'où le titre de la pause musicale que j'ai passée, Big Brother. Et c'est vrai que, comme je le disais juste avant la pause musicale, j'imagine qu'à l'origine de ce projet, il y avait peut-être de bonnes intentions, et pour que des compteurs soient acceptés, parce qu'il y a des gens qui ont déjà des compteurs, je ne sais plus, je me trompe peut-être, mais dans les 11 millions de foyers qui ont absolument, ils en ont installé 11 millions, oui. 11 millions de foyers qui ont déjà les compteurs sur 35 millions, si je ne me trompe pas. Si c'est parce qu'il y a des gens qui, ça on en reviendra pour les autres, mais il y a des gens qui ont quand même accepté ces compteurs, parce que j'imagine que sur le papier, ils avaient des belles choses à raconter. Alors Dominique, quels sont ces avantages, soi-disant, présentés pour ces compteurs communicants ? Alors, d'abord, je voudrais rectifier deux choses. Il y a 11 millions de personnes aujourd'hui qui ont effectivement des compteurs installés chez eux, mais ce n'est pas 11 millions de personnes qui les ont acceptés, c'est 11 millions de personnes à qui on les a quasiment imposés et qui n'avaient strictement aucune information sur la réalité de ces compteurs. Aujourd'hui, d'accord, de plus en plus de personnes qui ont des compteurs chez eux se mordent les doigts de ne pas les avoir refusés au moment voulu. Enfin, c'est tout ça, mais nous, on leur explique que rien n'est perdu et que nous pourrons, le moment, nous nous battrons le moment venu pour faire retirer ces compteurs. Parce que c'est encore possible, et il ne faut surtout pas perdre espoir dans ce domaine. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, aujourd'hui, la contestation monte et le nombre de gens qui refusent, étant donné qu'ils sont aujourd'hui mieux informés qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 1 an, les refus augmentent et Enedis est extrêmement embêté et commence à se poser de gros problèmes parce que on ne connaît pas exactement le nombre de personnes qui ont refusé, mais on l'a estimé à plus d'un million de personnes aujourd'hui qui ont refusé l'installation du compteur. Oui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Enedis et ses sous-traitants, parce que ce n'est pas Enedis qui les installe, ce sont des sous-traitants qui sont donc missionnés par Enedis, et tentent par tous les moyens d'impressionner les gens, de leur faire peur, de les menacer, qu'ils vont, s'ils refusent, ils vont avoir à payer le passage du releveur, etc. Tout ça est faux. On va leur couper, certains disent on va vous couper l'électricité. Il faut savoir qu'ils n'ont absolument pas le droit de le faire et ils ne le feront pas de toute façon. Ça fait très Gestapo, ça. Ah ben, on n'est pas loin d'un système autoritaire qui, il y a eu des personnes qui ont été violentées, quasiment, on les a poussées parce qu'ils s'opposaient physiquement à la pose des compteurs. Bon, maintenant, tout ça s'est un peu calmé, mais on continue à pratiquer, la menace téléphonique, le harcèlement téléphonique même. Ah, carrément. Ah oui, tout à fait, des gens sont harcelés téléphoniquement parce qu'ils refusent on leur envoie des lettres en les menaçant de toutes sortes de choses qui n'existent pas, qui sont des menaces qui n'ont pas lieu d'être. Je vous l'ai dit, donc, vous allez payer plus cher, etc., etc. Tout ça est faux. La commission de régulation de l'énergie n'a jamais pris la décision de faire payer le passage des releveurs, malgré les sollicitations d'Enedis. Elle a refusé de prendre cet arrêté. C'est la seule institution qui pourrait l'imposer. Elle n'a pas fait. Donc, il faut le savoir que ce n'est pas vrai. Tout ce que disent les sous-traitants d'Enedis est faux. Chaque personne a la possibilité de refuser l'installation de ses compteurs. Alors, ce qui se passe, c'est que les compteurs qui sont situés dans les appartements, ceux qui refusent peuvent le faire sans trop de problèmes, parce qu'il est très facile d'interdire l'entrée du technicien dans votre appartement quand il vient pour remplacer le compteur. Il ne peut pas là forcer la porte, bien que certains aient essayé de le faire avec des vieilles personnes, il faut le savoir. Oui. Globalement, ça, ils ne peuvent pas le faire. Le problème se pose pour les compteurs situés à l'extérieur, dans les dans les armoires situées dans les cages d'escalier, notamment dans les immeubles, et puis les compteurs situés sur la, en limite de propriété sur la voie publique dans les pavillons. Alors nous, ce que nous conseillons au niveau de l'association, et beaucoup, la plupart des associations nationales, au plan national, conseillent de barricader les compteurs. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Vous pouvez installer des énormes chaînes, des gros cadenas, le plus solide possible, parce qu'ils n'hésitent pas à les casser. Mais c'est tout à fait légal, et vous pouvez le faire. Et les menaces d'Enedis disant que si vous n'enlevez pas les chaînes qui protègent votre compteur, nous allons vous mettre au tribunal, n'ont jamais été mises à exécution. La seule fois où ils ont mis cette menace à exécution et ils ont mis quelqu'un au tribunal, ils se sont fait ramasser parce qu'ils n'avaient pas le droit. Le coffret dans lequel se trouvent installés les compteurs, la plupart des compteurs, est propriété de l'usager et non pas d'Enedis. Voilà. Donc on a quand même des moyens de s'opposer. Et il faut, alors évidemment, on est confronté à beaucoup de choses fausses présentées par Enedis. Les premières, c'est quand vous parlez aussi, ça part d'une bonne intention, l'installation des compteurs. Non, ça part pas d'une bonne intention. Il n'y a que des mauvaises intentions derrière. Et le seul objectif, c'est celui que j'ai exprimé tout à l'heure en début d'émission, c'est en réalité, c'est mettre en place un système de récupération des données massives, des big data, donc, pour exploiter ça à des fins commerciales et pas seulement. Hein. Donc, il n'y a aucune bonne intention au départ. Ensuite, évidemment, Enedis, qui installe ce système, tente par tous les moyens de le faire accepter par les usagers. Et donc pour cela, il a inventé toute une série d'avantages qui devraient bénéficier à ses usagers. Oui. Alors, on peut en prendre un ou deux au hasard, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et, oui. Et je peux vous dire que chacun des arguments présentés par Enedis ont été tous démontés jusqu'au dernier et ne tiennent absolument pas la route. On peut en prendre au hasard. Je ne sais pas, vous en avez un éventuellement à me proposer, un des avantages présentés par Enedis ? Eh bien, on est dans une période où l'environnement devient de plus en plus important, de plus en plus préoccupant. Alors, je sais que la transition énergétique est un argument assez fréquemment utilisé. Alors, on va le casser en 30 secondes. Hein. Comme je vous l'ai expliqué, la mise en place de Linky, c'est la mise en place d'un énorme système de ramassage des données sur l'ensemble du pays avec des traitements sur les big data. Vous savez combien consomme un big data en électricité ? Non. Alors, je vais vous dire. Un big data, c'est extrêmement énergivore. Ce sont des systèmes informatiques qui sont installés, par exemple, un big data. Il y en a plusieurs en France, évidemment, hein, mais un big data, ça représente, par exemple, la surface du Leclerc qui est à côté, là, hein, du Leclerc de Saint-Étienne, dans un hangar de cette surface-là, qui est rempli d'ordinateurs, d'armoires énormes, et qui tourne en permanence, 24 heures sur 24, qui dégage une chaleur qui pourrait chauffer la ville de Remiremont et d'Épinal en même temps. Hein, voilà, absolument. Et on estime aujourd'hui la consommation des big data installés en France, ceux qui sont en France, hein, on l'estime à un mois de production d'une tranche nucléaire. Hein, ouais. Donc, ne parlons pas d'écologie, s'il vous plaît, avec Linky, parce que Linky, c'est énergivore. Premier élément de réponse. Et puis, transition, ça devrait favoriser la transition énergétique parce que ça va permettre, soi-disant, aux usagers de gérer leur propre consommation, de faire des économies d'énergie, etc. On nous répète ça sous tous les tons. En réalité, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Là où les compteurs ont été installés, les gens se rendent compte que leur facture augmente. Hein, ils gèrent rien du tout. Vous n'allez pas passer votre journée sur votre ordinateur à observer votre courbe de charge. Hein, je veux dire, vous allez faire ça une fois au début parce que ça va vous amuser, mais au bout d'une semaine, vous en aurez marre de voir une courbe. Et en plus, je vois pas très bien quel type d'information opérationnelle ça va pouvoir vous apporter, vous, en tant qu'usager. Parce qu'on sait très bien que si on veut que les usagers maîtrisent leur consommation et diminuent leur consommation électrique, notamment, ça c'est un vrai objectif, mais je ne suis pas certain que ce soit l'objectif d'Enedis, eh bien, il faut s'adresser à leur bon sens. Hein, il faut faire des campagnes de communication dans la presse, dans la télé, aux radios, etc. On en a eu dans le passé. Il y a eu la campagne La chasse au gaspillage dans les années 70. Vous n'étiez pas né. Eh bien, cette campagne a eu des effets très, très, très bénéfiques. Mais c'était quoi? C'était simplement une campagne de communication dans laquelle on expliquait aux gens que on faisait appel à leur bon sens. Hein. On ne leur expliquait pas des choses compliquées sur leur courbe de charge et tout ce qu'on veut. On leur disait, vous êtes dans votre chambre, il fait trop chaud, au lieu d'ouvrir la fenêtre, baissez le chauffage. Hein, voilà. C'est très con, mais ça marche. Et d'ailleurs, ça a tellement bien marché qu'à l'époque, EDF s'est inquiété auprès du gouvernement de la baisse de consommation générale et elle leur a demandé d'arrêter cette campagne. Voilà, c'est pour dire que on sait comment faire aujourd'hui pour rendre les gens plus responsables par rapport à l'environnement. Oui. Et puis, dernier argument concernant la transition énergétique, l'Allemagne, qui est un pays dans lequel les énergies renouvelables sont beaucoup plus développées que chez nous, hein, oui. Ils sont bien en avance, eux ne prennent pas le Linky, n'installent pas de compteurs communicants. Ils ne le réservent uniquement qu'aux gros consommateurs d'électricité, c'est-à-dire les entreprises, les grosses entreprises et des très très gros consommateurs. Voilà. Donc, c'est évidemment, ça ne sert absolument pas à la transition énergétique. Ça sert toujours à récupérer des données et à faire fonctionner des big data qui, eux, vont manger beaucoup et consommer beaucoup d'électricité. Et d'ailleurs, je vais étendre très légèrement le sujet. Comme vous l'avez dit, hein, déjà les factures vont augmenter et augmenter nos besoins en ressources énergétiques. Et est-ce que ça impacte pas aussi ou ça a pas un lien avec cet engouement autour des vélos à assistance électrique ou les voitures même électriques? Oui, alors on nous explique que c'est le nouveau monde qui se met en place, les voitures électriques, les vélos électriques, etc. Bon, alors tout ça, à mon avis, mais ça c'est un avis personnel, ce sont des fausses bonnes idées parce que ceux qui disent que l'électricité ne pollue pas n'ont jamais vécu à côté d'une centrale thermique et pas plus d'ailleurs qu'à côté d'une centrale nucléaire parce qu'il faut la produire l'électricité. Hein, oui. La seule électricité qui pollue pas, c'est celle qu'on ne produit pas. Donc il faudrait déjà sans doute réduire notre consommation, ça serait une meilleure piste de réflexion. Plutôt que de passer de multiplier des appareillages électriques. Alors, pourquoi des vélos électriques aujourd'hui? Alors il y avait des vélos, qu'est-ce que ça veut dire un vélo électrique? C'est un vélo moteur, hein, ça n'a pas de sens. C'est une voiture électrique, c'est une voiture, c'est tout, bon, qu'elle soit électrique. Alors le problème des voitures électriques et de tous ces appareils nouveaux électriques, c'est qu'eux, ils sont par ailleurs consommateurs de ressources rares, notamment pour la fabrication des batteries, le lithium, mais pas seulement, toute une série de terres rares, etc., qui sont aujourd'hui gâchées par la multiplication de ces appareillages et qui sont extrêmement polluantes, en plus. Ce sont des matières extrêmement polluantes. Donc, il faut savoir de quoi on parle. En réalité, quand on parle d'un appareil qui serait révolutionnaire, etc., il faut faire le bilan complet de cet appareil, sa fabrication, son utilisation, son fonctionnement et sa fin de vie. Et c'est ce bilan-là qui importe de mettre en avant et pas qu'un aspect qui pourrait paraître le plus intéressant et qui, en réalité, si on intègre l'ensemble des éléments de la vie d'un système, on se rend compte que on n'est pas tout à fait dans l'économie d'énergie. On serait plutôt dans le contraire actuellement. Oui, en effet, voir ce qui se passe du côté du miroir et de l'autre côté du miroir pour vraiment comprendre quel est notre impact sur l'environnement et que la technologie, parce que c'est le centre du sujet, la technologie ne sert pas forcément à l'écologie et pourtant on a des scientifiques qui mettent vraiment des choses en œuvre ou qui tentent le coup. Hein, je crois que j'avais déjà entendu parler d'un moteur qui fonctionnait à base d'eau, mais ça c'était encore avant ma naissance. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui ont des mains en or et qui pourtant on n'entend pas beaucoup parler. Et les mains d'or, c'est le titre de la pause musicale suivante que je vais passer, que vous m'avez proposé, un morceau de Bernard Lavillée. Donc on se retrouve juste après cette pause musicale. Le soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette,

Oui, parlons rapidement des incendies. On a constaté depuis l'installation des compteurs Linky une augmentation importante des incendies d'origine électrique provoqués par ces compteurs. C'est clair que alors Enedis, évidemment, fait tout pour cacher cette réalité. On sait aujourd'hui, que parce que ça nous a été rapporté par des pompiers, que la Enedis a contacté la hiérarchie des pompiers, les différentes hiérarchies départementales des pompiers, pour leur demander de faire le blackout total sur les incendies d'origine électrique, de ne rien dire à la presse, etc. Bon, malgré ça, évidemment, des informations ont fuité et aujourd'hui, on est à, depuis le début de l'année, on est à plus de 150 incendies répertoriés comme étant d'origine électrique et après la pose de ces compteurs. Donc, c'est quand même beaucoup et je précise, répertoriés. C'est-à-dire qu'il y a sans doute plus, il y a eu sans doute beaucoup plus d'incendies que ça. Et certains de ces incendies ont provoqué malheureusement le décès des personnes habitant les maisons. Oh non. Il y a eu au moins deux ou trois décès depuis le début qui sont de façon évidente le résultat d'un incendie provoqué par Linky. Voilà, des gens qui ont été surpris de nuit par la fumée. Enfin bon, après c'est l'incendie hein, qui tue. L'origine est effectivement le compteur. Donc on a ce problème qui est loin d'être un problème banal, qui n'est pas pris en compte du tout, évidemment, par Enedis. Pourquoi ? Alors, un certain nombre de ces incendies peuvent être produits et le résultat d'une installation défectueuse du compteur. Et pourquoi y aurait-il tant d'installations défectueuses ? Tout simplement parce que les sous-traitants qui ont été missionnés par Enedis pour poser ces compteurs ont engagé, évidemment, du personnel qui a eu une formation des plus sommaires. Hein. Oui. Certains ont été formés une journée simplement hein, pour poser des compteurs. Et il n'est pas rare qu'ils inversent la phase et le neutre et que donc on soit confronté à toute une série de problèmes. Alors il y a les problèmes d'incendie, mais il y a aussi des problèmes tout à fait nombreux d'appareils qui grillent après l'installation d'un Linky. Télévision, chauffage, machine à laver, etc., etc., qui tout à coup prof, tombent en panne comme par hasard après l'installation du compteur. Voilà, donc ça, c'est pour ça que ce que je disais au début, hein, il y a un certain nombre de gens qui se sont laissés installer le compteur et qui regrettent amèrement aujourd'hui de ne pas s'y être opposé à l'époque. Mais le gros problème de santé posé par le compteur, il est bien plus grave encore que ça, c'est le problème lié à l'émission des ondes électromagnétiques. Alors pourquoi parle-t-on d'émission d'ondes électromagnétiques ? Parce que ce compteur, pour fonctionner, a besoin du courant porteur en ligne, le CPL, c'est un courant qui est injecté dans tout votre réseau électrique, dans tout le réseau électrique de moyenne tension, de basse tension, et qui est injecté dans l'ensemble des maisons et des foyers qui ont le réseau électrique, c'est-à-dire 99,9% des maisons et des appartements du pays. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on injecte ce CPL? On l'injecte sur une fréquence qui est dans un premier temps de 175 kHz. Hein. C'est le niveau de fréquence, c'est le protocole qui est utilisé, le premier protocole qui est utilisé par Enedis. Alors que le courant, qui est le courant que nous consommons, hein, le 220 volts, etc., il fonctionne sur une fréquence de 50 Hz. On passe de 50 Hz à 175 kHz. C'est-à-dire qu'on est, c'est des fréquences 10 000 fois supérieures. Hein. Les prochains protocoles pourront passer en mégahertz. Hein. Il faut le savoir, le système est évolutif et ils pourront ensuite injecter du CPL sur des fréquences qui, elles, seraient de l'ordre de 300 mégahertz. Donc, Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ensemble de vos câbles électriques, qui ne sont pas blindés, parce qu'aucun câble électrique n'est blindé, personne n'avait l'utilité de blinder les câbles électriques, d'abord ça coûte très cher, eh bien, va se transformer en antenne et va émettre des ondes électromagnétiques tout autour, dans l'ensemble de votre maison, dans la rue, partout, tous les câbles électriques. En fait, ce n'est pas le compteur qui est dangereux, c'est le système qui lui permet de fonctionner. Et ce CPL sert à quoi ? C'est le courant qui va servir à transporter, à récupérer et transporter les informations dont on parlait au début, hein, qu'on va aller chercher dans l'ensemble de vos appareils. Et Linky va les récupérer, les traiter, les envoyer. Et ce CPL va fonctionner 24 heures sur 24. Hein, c'est-à-dire qu'il va être injecté dans votre appartement, dans vos câbles, 24 heures sur 24. Et donc va rayonner une onde électromagnétique qui va complètement baigner votre appartement en permanence. Alors, quelles sont ces ondes électromagnétiques ? Alors, ce sont des ondes qui ne sont pas d'une puissance extraordinaire. Hein, on ne dit pas que c'est l'équivalent du GSM, par exemple, ou d'un micro-ondes. Quoi que ça pourrait le devenir, parce que si on monte en fréquence, ces ondes sont de plus en plus nocives. Et en revanche, ce sont des ondes qui vont, et qui, on le sait, ce sont des ondes qui ont une portée de l'ordre de 2 mètres, 2 mètres 50, pas plus. Donc elles sont pas, apparemment, elles ne paraissent pas être très dangereuses. Mais leur danger vient de leur permanence. C'est-à-dire que pendant, vous allez baigner jour et nuit, qui se trouve à plus de 2 mètres 50 d'un câble électrique dans sa maison ? Très peu de gens, à moins d'habiter un château avec des salles qui fassent 10 mètres de long, et encore. Oui. Tout le monde se trouve et tout le monde dort à côté de sa lampe de chevet, des câbles qui passent dans le mur, etc. Donc, vous allez être soumis en permanence à un bain d'ondes électromagnétiques qui sont, aujourd'hui on le sait, posent de très très très graves problèmes pour la santé humaine et qui peuvent être même, c'est l'OMS qui l'a dit, c'est pas moi, cancérigènes. Hein. Mais bien sûr, on ne le saura pas demain. Les cancers se déclareront dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, en fonction aussi des différentes personnes qui subiront donc ces ondes. Mais on sait d'ores et déjà qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent ce qu'on appelle électrosensibles, hein, c'est-à-dire qui ne supportent plus la présence d'ondes électromagnétiques dans l'environnement dans lequel ils se trouvent, parce que ces ondes leur génèrent des maux de tête, des acouphènes, des vomissements, toutes sortes de phénomènes de ce genre, qui ne sont pas mortels, soit, mais qui sont quand même extrêmement gênants, et voire même des très très grosses fatigues, et empêchent un certain nombre de personnes de vivre normalement. Donc, aujourd'hui, cette pathologie augmente de façon exponentielle dans la population française et c'est sans doute lié à l'augmentation de l'ensemble des émissions d'ondes électromagnétiques que sont les GSM bien sûr, mais les Wi-Fi et le CPL. Et le CPL qui risque lui d'envahir l'ensemble des 35 millions de foyers si on laisse faire les choses. Ah oui, donc si je vous suis un petit peu, il y a de plus en plus de gens qui deviennent électrosensibles, donc sensibles à la surexposition aux ondes électromagnétiques. C'est un peu comme l'explosion, on va parler de quelque chose de beaucoup plus concret et qui est connu de tous, l'augmentation du nombre d'allergies à cause de la pollution. Absolument, c'est la même chose. Hein. D'ailleurs, on peut penser que la pollution et les ondes électromagnétiques sont des facteurs qui peuvent être croisés et qui peuvent sont des causes qui peuvent se renforcer l'une et l'autre. Hein. Pollution électromagnétique plus pollution tout court, pollution de l'atmosphère, pollution de l'air, pollution de l'eau, etc. Oui, parce que c'est une forme de pollution, comme vous l'avez dit, en effet. La pollution prend énormément de formes, et même sous la forme de champs électromagnétiques. Mais ça, de toute façon, les dangers des ondes électromagnétiques n'est, selon moi, plus à prouver. On en parlait déjà il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et donc avec ces compteurs Linky, les choses vont empirer, littéralement. C'est absolument bien ça. Absolument. Ça va être une explosion d'ondes électromagnétiques, une augmentation absolument importante, très importante, de ce qu'on appelle le brouillard électromagnétique. Hein, puisque d'abord, tous les foyers seront touchés. Tous les foyers sont touchés, oui. et en permanence. Hein, c'est le grand... Parce que

et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent déjà pas fumer en classe et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour, une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM, c'était la sécurité de l'emploi des Fatales Picard. Je suis toujours avec Dominique Imbert de l'association Stop Linky 88 qui milite, hein, comme beaucoup d'autres associations dans divers départements contre la pose de ces compteurs communicants qui sont là pour collecter des données sur nous et limite contrôler notre vie, d'après ce que j'ai compris, Dominique. Et si un auditeur veut toujours réagir, hein, pas de problème, notre page Facebook Radio Gémozo vous reste ouverte. Ou sinon le standard, hein, au 03 29 62 40 40, je répondrai au téléphone avec plaisir. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Mais Dominique, dites-moi, après avoir exposé en fait tout ça, tous ces désavantages, ces dangers, est-ce que c'est en fait en réalité, d'après ce que j'ai compris, ce que vous avez dit, on a le droit de refuser la pose de ces compteurs, même si c'est pas aisé. Alors, quels sont les différents recours? Comment est-ce qu'on peut montrer son désaccord? Alors, la première chose à faire, c'est... Alors, nous, notre association, elle milite évidemment pour qu'on arrête l'installation de ces compteurs et pour qu'on retire les compteurs actuellement installés et qu'on les remplace par les anciens compteurs. Hein. Ça va, on est contre l'installation globale du système et que... il ne suffira pas de refuser l'installation d'un compteur pour qu'on arrive à cet objectif. Mais c'est déjà un premier élément qui est important et il faut savoir que chaque usager a la possibilité de refuser l'installation de ce compteur. Malgré toutes les menaces et malgré tous les discours faux que dit Enedis, cette possibilité existe et aucune loi n'interdit à l'usager de refuser l'installation de ce compteur, contrairement à ce que dit Enedis. Il faut savoir que ces compteurs sont le résultat au départ d'une directive européenne. Cette directive européenne n'impose absolument pas, n'impose à personne que ce compteur soit installé, notamment l'exemple de l'Allemagne montre bien que les pays n'étaient pas dans l'obligation de suivre cette directive. Hein. Donc si la France a choisi de les installer, c'est son choix, mais ça, il n'y a aucune obligation européenne qui oblige les usagers à accepter la pose de ce compteur. Et ensuite, cette directive a été évidemment transcrite dans la loi française, notamment dans la loi sur la transition énergétique. Et dans la loi sur la transition énergétique, il n'est écrit nulle part que l'usager est dans l'obligation d'accepter ce compteur. Il est écrit une chose simple, il est écrit qu'Enedis, enfin les distributeurs, et en France c'est essentiellement Enedis, ont l'autorisation d'installer ces compteurs. Mais il n'est pas dit que l'usager a l'obligation de l'accepter. C'est quand même une nuance importante. Alors, Enedis a l'autorisation de l'installer, mais il ne peut pas l'imposer. C'est simple, c'est pas très compliqué à comprendre. Pourtant, d'après ce que j'ai compris, pardon, il y a quand même eu des témoignages sur des menaces et des forcings pour mettre ces compteurs. Absolument, oui. Ça, il y a eu des menaces et des forcings. Alors, actuellement, on réfléchit avec d'autres à des actions en justice contre Enedis, notamment sur l'ensemble de ces faits qui ont pu être constatés et relevés. Il y a déjà eu des actions engagées, mais la justice, comme tout le monde le sait, est assez longue et il faudra du temps avant que les premiers jugements, après sans doute des péripéties d'appel, etc., tombent. Donc, mais on est assez confiant là-dessus et il y aura sans doute de plus en plus de recours en justice contre Enedis. Mais ça, c'est effectivement une attitude totalement illégale d'Enedis et de ses sous-traitants qui pratiquent la menace, qui pratiquent le mensonge pour tenter de passer en force. Hein. Mais en réalité, les gens qui refusent le compteur ne prennent strictement strictement aucun risque. Hein. Et il faut surtout qu'il ne se laisse pas impressionner par l'ensemble des arguments ou des lettres ou des menaces d'Enedis, qui elles sont des menaces qui ne tiennent pas, qui sont illégales. Hein, il faut le dire, Enedis est dans l'illégalité sur un certain nombre de points, et notamment lorsqu'il incite ses installateurs à menacer les gens pour les obliger à accepter le compteur. Voilà, et concrètement, après, on fait quoi ? On se rassemble, on fait des lettres de refus avec accusé de réception, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a plein de choses. Hein. La première chose, ce que nous conseillons aux usagers, c'est d'exprimer clairement leur refus de ce compteur en envoyant une lettre commandée à Enedis, et nous avons mis en ligne sur notre site web, qui est d'accès facile, hein, www.stoplink88.fr, oui. Nous avons mis en ligne donc des modèles de lettres qu'ils peuvent télécharger, adapter et envoyer à Enedis. Tout est expliqué sur le site, c'est très simple à faire. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis ensuite, vous pouvez aussi, et c'est très important, parce que là, on approche des élections municipales et les maires commencent à se remuer sur cette question parce qu'ils sentent bien que de plus en plus de gens sont inquiets, s'interrogent et s'opposent à l'installation de ce compteur. Jusqu'à présent, ils étaient assez distants, et là, ils commencent à se poser quand même des questions. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on organise une conférence, où que ce soit en France, dans les Vosges, j'en ai organisé plus d'une trentaine, les salles sont pleines. Hein, ça fait réfléchir aussi les élus qui se disent les élections sont pas loin. Il faudrait peut-être que sur cette question, on commence à s'informer et à prendre des positions claires. Et à ce niveau-là, l'accueil de la population sur vos rassemblements est bon ? Enfin, les personnes ressortent assez contentes d'avoir les informations qu'elles cherchaient ? Bah, tout à fait, oui, parce que d'abord, elles sont en demande d'informations. Hein, les gens sont en demande d'informations. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a encore un grand nombre de personnes pour qui, quand on leur parle de Linky, ne réagissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Parce que peu. Mais les gens qui ont commencé à s'intéresser au sujet se posent de plus en plus de questions. Et effectivement, nous tentons de leur apporter nos réponses, en tout cas. Et de plus, il faut savoir une chose aussi, et c'est sans doute pas inintéressant de le savoir, c'est que nous avons toujours proposé à Enedis d'organiser des débats contradictoires, c'est-à-dire entre eux et nous. Ils ont toujours refusé, hein, systématiquement refusé. Eh ben. Voilà. Hein, la dernière réunion que nous avions, c'était pas moi qui l'avais organisée là pour une fois, c'était pas nous, c'était pas l'association, c'était quelqu'un du TIO qui a souhaité organiser lui-même la conférence. Il avait invité officiellement Enedis, qui ne lui a même pas répondu. Hein, voilà. Ah oui. Et c'est pas le seul cas. Il y a eu des tas d'endroits où Enedis était invité et ils ne sont jamais venus et n'ont. Ils ont dû répondre une fois ou deux qu'ils ne viendraient pas, et la plupart du temps, ils n'ont pas répondu, tout simplement. Voilà, donc, il faut s'inquiéter hein, quand des gens disent avoir la vérité, mais refusent de la confronter à d'autres, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, on peut refuser. Hein, c'est véritablement, non seulement on peut, mais on doit. Hein, ce que nous disons, c'est que comme ça qu'on y arrivera, c'est plus il y aura de gens qui vont refuser la pose de ce compteur, et plus on pourra gagner sur la distance. Parce que c'est un combat quand même de longue haleine, hein, on ne va pas gagner demain. Mais on sent bien que là, il y a un mouvement important qui se dessine en France de refus de ce compteur suite à une première période où les gens se posaient des questions. Parce que ce que j'organise moi dans les Vosges, d'autres gens le font dans d'autres départements. Et c'est un travail de fourmi, nous n'avons pas les moyens d'Enedis, mais je crois que ce travail est en train de porter ses fruits. Et je l'espère de tout cœur pour vous, mais malheureusement l'émission touche tout doucement à sa fin. Et donc, avant qu'on se dise au revoir et que je donne les références hein, pour nos auditeurs, je fais le programme de la soirée. Donc à 20h, on retrouvera Michel pour son émission « La parole est à vous ». Puis à 22h, ce sera Dominique « J'ai aimé, je vous le lis ». Et la prochaine émission, c'est demain matin, 7h-8h, la rediffusion de l'émission que vous venez d'écouter à l'instant. suivie d'une chronique de notre chroniqueur Amadou. Et enfin, la matinale de Marion à 8h30. Pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin pour la rediffusion, l'émission sera disponible sur notre site www.radioguémozo.eu, rubrique L'heure des loups, ou sur notre page Facebook Radio Guémozo, aisément écoutable, aisément téléchargeable. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et on se retrouvera demain, même heure, pour parler de Lego, cette fois avec l'association Fanagbrick, qui organise à Colmar ce week-end une expo, mais bon, vous en saurez plus demain. En tout cas, merci beaucoup Dominique d'avoir répondu à mon appel et d'avoir répondu à mes questions sur Stoplinky, même si j'imagine qu'on n'a pas pu répondre à tout, mais pour faire court et pour les auditeurs qui veulent plus d'informations, donc on peut vous trouver sur le site www.stoplinky88.fr, sinon sur la page Facebook Stoplinky88 qui sera bien entendu taguée avec le podcast de l'émission, et vous avez aussi une boîte mail stoplinky88@gmail.com. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations à ce niveau-là, vous saurez où trouver Dominique Imbert et l'association, les autres membres, parce que bien entendu, il n'y a pas que vous, d'après ce que j'ai compris, mais vous êtes un porte-parole assez important. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter. Non, mais écoutez, je pense, moi j'appelle les gens à résister à Enedis et à refuser partout où c'est possible l'installation de ce compteur. Hein, et sachant que nous allons dans un avenir très court lancer toute une série d'initiatives, notamment avec un avocat vosgien, et toute une série de choses sont en préparation et nous le ferons savoir en temps utile. Et bien pour cela je viendrai aux nouvelles, ne vous en faites pas, les auditeurs seront au courant. En attendant, aux auditeurs, hein, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission en entier, encore désolé pour le retard, hein, ce sont des choses qui arrivent, ce sont les aléas du direct. Bon, et puis en attendant, hein, on se retrouve demain même heure. Bonne soirée à tous.